la carrière bien Kamukula. Papa Rasso, ah mon cher, le nouveau concept d'Abidjan qui va tuer. Ma chérie, écoutez ça, on y va, on y va. Tu as parlé de collier, je l'ai acheté pour toi. Bracelet en plaqué, je l'ai acheté pour toi. Tu as parlé de portable, je l'ai acheté pour toi. Portable dernier cri, je l'ai acheté pour toi. Et pourquoi mes rendez-vous ne sont jamais respectés?